d'Octave Mirbeau, un mardi aux Français. On claqua des mains. Le rideau tombait, prenant des temps, comme si, lui aussi, il eût été sociétaire. Et l'orchestre se rua à la queue-leu-leu des couloirs. Seuls des vieux à calotte demeuraient des étrangers en costume de voyage, qui, debout, le nez en l'air, lordaient les allégories peintes du plafond. Les beaux, les belles, au théâtre dormant, se secouaient, cherchaient leur monde, puis, après un petit signe aux intimes, une œillade à l'unique loge vide aux premières, presque vis-à-vis l'avant-scène d'Andilly, se remettaient à caqueter, même à coqueter quelquefois. Au passage du balcon, pris d'assaut, les jumelles braquées tiraient à feu plongeant dans les baignoires, des portes battées dans le promenoir, plein d'allées, de venues, d'hommes en frac, les mains aux poches, les coudes en dehors comme des anses, et parmi la bourdonnante symphonie des parlottes, le cri des marchands de programmes détonnés. L'air sévère, l'huissier du foyer des artistes venait de se rasseoir, après une courbette, lorsque quelqu'un, qui s'approchait, le jeta debout, très humble, l'échine ployée, et un petit jeune homme, blond fade, prétentieusement étriqué dans sa mise, la moustache poisseuse, troussée brin par brin, à l'antique, demanda de son peu de voix « Le duc est là ?»« Monsieur le général Jarry, duc de Varèse ?» fit l'huissier, détachant ses mots. « Non, monsieur le vicomte. »« Ah, monsieur de Roncerolles, vous allez pouvoir me dire... » Le blondin se retourna. « Tiens, cher, bonsoir. » Puis, ayant chaussé son binocle, « Pardon, pardon, amiral, je vous prenais pour... » Et il aventura sa main nue, comme à regret, entre les larges doigts spatulés d'un grand homme solennel et grisonnant, sans moustache, des favoris en brosse, une rosette rouge au revers de l'habit. « Madame de Kéroin va bien ?» ajouta le vicomte. « Mais oui, merci. » c'est-à-dire, non, toujours bien souffrante, vous savez. Cette année, on l'a envoyée à Cannes. C'est pénible, très pénible. Je ne puis pas l'accompagner, moi, avec mes travaux, mon institut. Et ce cher duc, avez-vous des nouvelles ? Des nouvelles ? Mais j'allais vous en demander, des nouvelles. Quel potin, vous avez lu ce matin, dans les moustiques ? La main droite et la main gauche d'un de nos plus jeunes et plus brillants stratèges. Stratégos, etc., etc. C'est limpide. Mais oui, il paraîtrait que... Quoique... Cependant... Et qui est-ce, la main gauche? Comment qui est-ce? Vous voulez me faire poser? Non. Votre parole? C'est beau, l'innocent. Et tout Paris connaît la baronne Simier, amiral. En vérité? Madame la baronne Simier? Celle qui s'occupe des bonnes œuvres? Une blonde, superbe, n'est-il pas vrai, que j'ai eu l'honneur de rencontrer chez madame la duchesse de Varèse, son amie, je crois. Amie de pension, parfaitement. À tu et à toi. Et il faut que la duchesse soit myope, comme elle est, pour n'avoir rien vu. C'est le secret de Polichinelle. Ah ben, vraiment? De Polichinelle? Mais cette scène dont parle le journal, c'est calotte de main droite à main gauche. « Dame, je ne les ai pas reçus. J'ai peine à admettre pour ma part qu'une personne aussi comme il faut que la duchesse ait pu se laisser emporter à de pareilles extrémités. Alors ce serait à la suite de ce drame domestique que la duchesse aurait déposé une demande de séparation. D'après le moustique, oui. Moi, je ne sais rien, dit Rongerolles, pas faute d'avoir couru. » Tel que vous me voyez, amiral, j'ai fait mes 4 cercles avant de venir ce soir. Inutile de chercher la quadrature. La voilà, la quadrature. Eureka ! Je vous autorise à en instruire l'Académie des sciences. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu au cercle ? Tiens, à propos, le duc, c'est vrai qu'il plaide en séparation ? Voilà pourtant comme ils sont renseignés, ces crétins-là. J'entrais au foyer, mais du moment que le duc n'y est pas, pour me trouver avec son hippopotame de Préville. Ah, est-ce que... Oui, il n'a pas encore assez de la baronne, sans compter les passades. Il vient de se recoller avec Préville, retour de Russie. Oh, pour la pause seulement. Il casque, mais il ne couche pas. D'abord, il n'y aurait pas de place. Avec une poitrine pareille. Une poitrine pour six. Boum! C'est la rédaction du Moustique qui couche en se fractionnant à tour de rôle? Tiens, mais j'y pense. Est-ce que... Vous voulez venir par là, amiral? Nous serons peut-être moins carambolés qu'ici. Le vicomte du bal de Rosemrolles passa son bras sous celui de M. de Kéroigne et l'entraîna dans la galerie. Merci, non, dit-il à l'amiral qui lui tendait son étui à cigarette. Christi, vous voulez sortir sur le balcon? Il fait un froid de chien, vous savez. Oh, dans le cas où vous craignez, vraiment. Vous ne fumez pas? Est-ce que vous auriez les bronches? Oui, les bronches, un peu. Comme Madame de Kéroigne. Elle aussi, ce sont des bronches, soupira l'amiral. Vous n'avez jamais essayé de canne? C'est très bon, je vous assure. Vous devriez essayer. Madame de Kéroigne serait ravie. Pour en revenir au duc, on assure qu'il est très gêné depuis le krach. Gêné, le duc? Oh non! C'est ratissé qu'il est, et raide, repartit Ronceroll en se rapprochant de la grande cheminée où des charbons s'écroulaient dans un boudroiement d'étincelles. Mais pas la faute du krach. La baronne avait de l'union. Elle, lui pas. Allez, il n'avait plus d'union, le beau duc. Dame, au train dont il va, en couvrant d'or, Christi, que ce feu est chaud. En couvrant d'or les femmes. Ah, j'en sais long. Mais vous, amiral, vos travaux, ça va toujours? J'ai aperçu quelque chose de vous dans la revue. Je n'ai pas lu parce que je ne lis jamais ces choses-là. C'est trop fort. La marine cochin chinoise, hein? Il était question de sirène là-dedans? De trirème, permettez, de trirème, carthaginoise. Alors c'est votre idée que le duc. Sa mère est fort riche, cependant. La maréchale? Je vous crois. Mais raide à la détente, elle. Oh, bigre. J'ai l'œil, moi, voyez-vous. À Paris, qu'il bazarde sa galerie et tout avant 6 mois. Je tiens mon Velasquez, un Velasquez épatant que je guigne depuis que le duc l'a acheté à la vente d'Albe. Ah, pardon, amiral machin, qui passe là, il sait peut-être quelque chose, lui. Et sa canne sous le bras, le vicomte de Roserolles s'élança dans le couloir. On commençait à rentrer, l'escalier s'emplissait d'un flot de monde. En faction devant la porte des artistes, l'huissier sommeillait sur sa chaise. Dites donc, mon ami, vous n'auriez pas vu par hasard le duc de Varès? Fit une voix bourrue derrière lui. Il allait se mettre droit, quand, tournant son cou maigre, il se trouva nez à nez avec un petit homme sec, rouge de peau, blanc de moustache et de cheveux, sanglé dans une redingote montante. Alors, sans achever le mouvement pour cette figure quelconque, il répéta: Monsieur le général Jarry, duc de Varèze? Oui, je vous dis, le général de Varèze. Je suis le général Salmon, son parrain. Le général de division d'artillerie en retraite. Salmon, de Metz, sénateur. Ancien ministre. Ça vous est égal? Je comprends ça. Enfin, l'avez-vous vu sacrélié? Oui, non, non. Eh bien, répondons, voilà. Est-ce que je vous demande une conférence, moi? Et sur un contre dégagé de sa canne, le général furieux fit demi-tour par principe et disparut, sacrant dans le promenoir, tandis que l'huissier perplexe songeait: Qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir, après monsieur le général duc? Auguste, le duc est-il arrivé? Dit quelqu'un. L'huissier se leva cette fois devant un gros homme roux, à mine de Quaker, dont les yeux pochés et la bouche largement fendue, surmontée d'un nez rouge en bec d'aigle, qui saignait comme une plaie dans la pâleur farineuse et glabre du visage, était bien connu de ces dames. Et ce fut avec son sourire des grands jours qu'il répondit: Non, monsieur Varombé, pas encore. Ah? Monsieur Varombé a vu dans la salle? Mais sans répondre, anhélant et soucieux, le gros homme regagnait le foyer du public où tintait la sonnette d'entracte. Il tourna dans le couloir et, arrivé au bout, fit un signe à l'ouvreuse qui courut lui ouvrir l'avant-scène. Un coin tiède et parfumé, ce fond de loge, dans le demi-tour opalin de ses globes, plein de rires, de jacasseries, de froufrous. Pas d'autre femme que la comtesse d'Anville, pimpante, vieille, en robe puce, et des diamants partout. Une dentelle jetée sur ses cheveux blancs à la diable, et sa fille, mademoiselle Sabine, une brune en rose, décolletée à outrance, l'air d'un garçon avec sa petite tête falote, ébouriffée à la Titus, toutes deux noyées parmi une douzaine d'habits noirs. La comtesse avait toujours eu un joli faible pour les hommes. Ses mains acceptées comme de juste, pauvres gens, auxquels elle avait fait voir du pays, le premier en date un marin, malade à la mer, et qui s'y était vu à vie condamné, le second, un maniaque de l'Académie des inscriptions, mort très avant dans l'intimité des momies. Veuve et l'âge venu, qui lui commandait la sagesse, elle se consolait en donnant à dîner et plus encore à bavarder dans son hôtel de la rue de Varennes avec un parfait dessouci des 28 ans de mademoiselle Sabine, qu'elle croyait fille du maniaque, sans en être plus sûre que cela. Aussi loin qu'elle aperçut Varombé, elle battit des mains, faisant l'enfant. Hubal, dit-elle au vicomte de Ronchrolles, son neveu, assis près d'elle sur le divan. Vite, une place au plus vertueux des amis. Vous venez purger votre purgatoire, cher monsieur? C'est comme cela qu'on gagne le ciel. Parions que vous avez commencé par l'enfer. Vous arrivez des coulisses, ne le niez pas. Mais non, je vous assure. Votre santé est bonne ce soir, madame la comtesse. Oui, bon pied, bon œil, bonne langue surtout. Vous tombez bien, je suis dans mon jour d'œuvre pie. Ce que nous allons jaboter. Tenez, mettez-vous là que je vous confesse. Puis Pubal ajouta, quelle nouvelle? Mais du crack? Non, vous savez bien que je ne tripote pas. Que dit-on de ce canard du journal? Je suis d'une mortelle inquiétude. Oh, n'ayez peur, on n'en meurt pas. Ce matin, des patrouminettes, j'ai volé chez la maréchale. Elle ne savait rien. Quant à tirer les vers du nez à Honorine, on aurait plutôt fait de les tirer à la Vénus de Milo. Sans comparaison. La duchesse sortit avec ça. J'y suis retourné 3 fois. Couleur de renseignement à prendre. Oh, j'étais d'une colère. Restait ainsi toute une journée, le bec dans l'eau, et dans de l'eau trouble encore. Enfin, plaide-t-il? Je ne crois pas, répondit Varombé. Pourquoi plaiderait-il? Eh bien, et cette scène avec la baronne, sans compter les autres? Bah, la duchesse doit être habituée depuis le temps. Et il paraît que non, puisqu'elle se rebiffe. Et ses dettes, donc, il a des montagnes de dettes. Le duc? Il en a toujours eu, comtesse. Ça fait partie du train, cela. On a des dettes, comme on a des chevaux. Pauvre petite duchesse. Hein? Les amis intimes. Non, restez, ce n'est rien, c'est l'amiral. Est-ce que vous ne le trouvez pas tout bonnement effrayant, ce beau duc, avec ses maîtresses, par père? Cependant, je n'ai jamais ouï dire que... Elle finit bas sa phrase, puis reprit, dans le plein de sa voix. Et vous, en votre double qualité d'oriental et de débauché, non plus? Je plains du plus profond de mon cœur cette infortunée petite duchesse, intervint l'amiral. Bravo, vous êtes toujours du côté des femmes, à ce qu'il paraît. Oh, pas de la vôtre, entendons-nous. Vous préférez le ménage à longue portée, comme les canons. Avez-vous vu les boutons d'oreilles de cette Préville? C'est de l'obscénité. Un cadeau du beau duc? Oui, dit Varombé. 35 000 francs à la vente blanc. 35 000? Peste! Ah, comme il n'est pas le fils de sa maman. Pauvre Clémentine, elle, si peu. Et on prétend que les garçons tiennent de leur mère. Encore une illusion qui tombe, amiral. Vous devriez bien mettre cela au prochain concours de l'Académie des sciences. Une pommade hygiénique contre la chute des... Chut, chut. Un grand silence tomba. L'acte commençait. Comtesse, fit Baron B, qui saluait pour sortir. Ah, vous partez. Bonsoir et merci. Quand me montrez-vous votre musée secret? Je suis à vos ordres. Vous dites cela. Et puis, si on vous prenait au mot. Et se penchant, elle lui souffla à l'oreille. Vous êtes toujours amoureux de Chantal? Il fit oui des paupières, soufflant très fort, et du sang lui monta aux oreilles. Allons, adieu et bonne chance. Il y eut un chassé-croisé dans la loge, où entrait un bel homme blond, la barbe en éventail. Psst, marquis! La comtesse lui indiqua un fauteuil près d'elle, dans l'angle opposé à la scène. Là, et ne causez pas trop fort, le paradis vous jetterait des oranges. Tout marquis de Boisgelée que vous êtes. La marquise? Va bien, madame, je vous remercie. Vous savez bien qu'elle ne met jamais les pieds au théâtre. Jamais? Oh, c'est sublime, une fois pareil. Et à son tour, elle lui donna la question, longuement, à demi-mots entêtés. Lui se défendait avec de grands bras, des hochements de tête, parfois une main à plat sur son plastron, dans une pantomime cocasse de vertu outragée. Enfin, vous ne voulez rien dire. Le duc est votre beau-frère, ça se comprend. Quoique pourtant, dans les familles, ajouta-t-elle, avec un petit clignement qui soulignait des brouilles intestines. Maintenant, je vous permets de lorgner Préville. C'est à la Césarion, dit. Vous la rappelez-vous dans Le Caprice? Elle était tout en côte, comme le chemin du paradis. Oh, ce n'est pas de moi, c'est de Breu. Hein, de Breu? Parfaitement, dit celui-ci, sans entendre. C'était un joli brun, la moustache assassine, qui, assis derrière Mademoiselle d'Andilly, d'une mine très froide, l'air en bois, lui contait des choses lestes. Celle-ci, tout en croquant des fruits frappés, riait à petits coups sous l'éventail. Comme il s'arrêtait au fin bord d'une plaisanterie plus risquée, elle l'encouragea. Allons donc, dites toujours, qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis si mal élevé. De la scène, des bribes de phrases montées dans un goutte-à-goutte de chante-pleurs, ponctuées de tout, de chuchoteries, de bravos grêles. N'est-ce pas? Poursuit la comtesse. Préville est très bien, très bien. Votre beau-frère a de la chance. Il quitte un œuf, on lui rend un bœuf. Et gras encore. Elle joue presque à présent. À peine si elle essaye un tout petit peu. Hubal prétend que c'est un grand-duc là-bas, en Russie, qui lui a donné des leçons à coups de pied. Et il lui a enlevé ça comme avec la main. Quel homme charmant que votre beau-frère. Un grand cœur, trop grand même. Un peu omnibus. Il met du monde jusque sur l'impériale. C'est égal, il devrait bien arriver. J'en ai des palpitations. C'est agaçant, cette loge vide. Connaissez-vous le nom de cet acte, de cet acteur qui fait de rente? Demandez à Debreu, un confrère. Il doit connaître. Mais oui, vous ne savez donc pas, ce petit, il va débuter au gymnase. Une toccade. Sa mère est folle de chagrin. Je crois que c'est Laroche, madame. Avez-vous jamais rien vu si crispant que cette loge vide? Ils le font exprès de ne pas venir. Il est trop tard maintenant. Voulez-vous gager qu'ils ne viendront plus? Oh, dites-moi donc, comment s'appelle cette belle petite, là, au balcon, près de ce monsieur chauve qui se mouche? Belle petite ou grande latte, si vous aimez mieux. Sabine m'a demandé son nom tantôt, au bois, et je n'ai pas su. C'est humiliant, vous comprenez, pour une mère. Réveillez donc, l'amiral, il se croit à l'académie. Quelle voix pointue, cette Joissain. J'ai les oreilles qui saignent. Là, quand je vous disais qu'il viendrait, moi. Il y eut un frémissement dans la salle. Le balcon se bougeait, lorgnant de côté, pendant que l'orchestre, lui, se retournait carrément. La petite duchesse de Varèse arrivait, en tulle mauve, sans un bijou, avec son amie, la baronne Simier, une blonde royalement belle, habillée de satin feu et diamant, et diamantée jusque-là. derrière au-dessus de la fine tête brune de la duchesse, la mâle et souriante figure du duc apparaissait. Ses cheveux courts frisottant de noir bleu, sa moustache retroussée d'un long pointu qui s'accrochait toujours. De-ci, de-là, on se penchait dans les loges, la jumelle haut, guettant ses moindres gestes, ses battues de paupières aux intimes, et son salut, régence, avec trois doigts. Sa moustache forte, retroussée d'un long pointu qui s'accrochait aux joues. De-ci, de-là, on se penchait dans les loges, la jumelle haut, guettant ses moindres gestes, ses battues de paupières aux intimes, et son salut, régence, avec trois doigts. Vrai coup de fouet que cette arrivée qui ressuscitait la salle morte. Cependant, il y avait de la déception dans les regards. Pur racontar, alors, cet article du moustique. Tant pis. L'histoire était charmante, qui disait que, la veille, à son 5 heures, la duchesse de Varèse avait, ni plus ni moins, fait jeter dehors son ami, après explication de vive main. On parlait de pierreries achetées à une vente fameuse et offertes par le duc à sa maîtresse, avec le bordereau acquitté d'une forte différence de bourse. Scandale et instance en séparation. Et voici qu'ils venaient ensemble au spectacle. Tard, c'est vrai, à peine pour le dernier acte. Et la duchesse était pâle. Et la baronne rayonnait. Préville enragé sur la scène. Quoi, ensemble, la femme et la maîtresse? Elle augurait mieux de cet article de journal. Un peu son œuvre, en effet, ce cancan du moustique, où la comédienne comptait à tout le moins un amant. Mise en goût par le renouveau de passion du beau duc, une passion qui valait une mine d'or. Le partage de cette mine taquinait tous ses principes d'économie bourgeoise, et elle eût souhaité à elle, sans baronne. Quoi de mieux pour cela que de jeter du drame dans le ménage? Et rien, pas le plus petit éclat. Mais quelle femme était-ce donc que cette duchesse? Une des premières, elle avait aperçu le duc, l'avait salué d'un clin d'œil, et sans comprendre, elle épluchait ses rivales, tout en distillant ses répliques. Pas un effet de portée. Araminte, Dorante, Marton, qui s'en souciait? La duchesse de Varèse à la bonne heure, et le balcon, les loges, l'orchestre, de Potinet, à qui mieux mieux. Sur l'extraordinaire de la chose, absence de parure chez la femme, pluie de diamants chez les maîtresses, et si parfaite harmonie entre deux, quelques-uns mettaient un éclat. De loin en loin, une phrase du rôle, parfaitement accentuée, était soulignée d'un murmure. Et à chaque fois, on lorgnait la duchesse, immobile et sereine, dans son beau calme de statue. On commençait à partir, juste dans le plein d'une tirade à passion, le numéro 36, appelé fort d'un vestiaire, excita un fou rire dans la salle, et ce fut un sauve-qui-peut. Dehors se hâtait, curieux d'entrevoir le duc à la sortie, flanqué de ses femmes, des coupes se massèrent en haut de l'escalier, tandis que d'autres s'échelonnaient jusqu'au vestibule. Soudain, sur une toux en signal, on se rangea, faisant la haie. C'étaient eux. Le duc d'abord, superbe, dans sa belle prestance d'ex-sangra, d'ex-sans-garde, le collet de loutre de sa pelisse, largement rebattu aux épaules, donnant le bras à la baronne Simier. La duchesse suivait avec le général Salmon, petite et frêle, mais très crâne, sous le feu de tous ces regards allumés. On se taisait. Alors quelqu'un se précipita, demi-prosterné, soufflant des « Madame la duchesse, Madame la baronne, mon cher duc, c'était Varon B. « Bonsoir, bonsoir, mon cher, fit le duc, bon garçon toujours, mais souriant de haut, sans s'arrêter. Le B, lui, s'accrochait à ses mains, et oh, comme il les serrait, ses chères mains aristocratiques. Elles étaient vides, cependant. Ils passèrent enfin, salués très bas, presque à chaque marche, connaissance de cercle, de rue ou de boudoir, très jalouse de ce fameux coup de chapeau du général Jarry, duc de Varèse, qui suffisait à vous sacrer tout Paris. Au fond, dans le petit vestibule battu par le vent des doubles portes, la comtesse d'Andilly et sa fille emmitouflée attendaient leur voiture, tenant à elle seule une banquette. Eh, mon cher François, bonsoir, s'écria-t-elle, sitôt qu'elle aperçut le duc. Ça va bien, ma belle? Elle tendit la main à la baronne, puis, venant à la duchesse. Bonsoir, mignonne. Les enfants se portent bien? Chantal, François, toute la maisonnée? Pourquoi? Que je vous explique pourquoi je vous ai relancé trois fois chez vous aujourd'hui. J'avais un peu de migraine, commença la duchesse. Ah, la migraine, seulement, pauvre petite. C'est passé, hein? Préville faisait un nez d'âme débarquée de Russie pour jouer devant la mer de glace. N'est-ce pas, comme est engraissée, ajouta-t-elle en se tournant vers le duc. Je ne l'aurais pas reconnu. Et vous? Je vous confie ces dames, dit-il sans répondre. Les gens sont en retard, ou nous en avance, je ne sais pas. Il sortit, et là Gavroche appelle le cocher Pierre de la rue Barbet de Jouy et Godefroy de la rue de Grenelle. Il alluma une cigarette et se mit à arpenter la galerie, où des hommes engoncés se tenaient droits, montant la garde devant la porte des artistes. Un grand bruit d'eau venait de la chaussée, fouetté par une subite averse, et c'était dans la nuit une galopade d'ombre agrandie, de pas plus énormes, un roulis de voitures. Puis, comme les valets de pied accouraient, le caoutchouc ruisselant, le pardessus troussé comme une robe, il rentra. Vous savez, mon cher, fit la comtesse d'Andilly en se levant, si mes chevaux ont une fluxure de poitrine, je vous enverrai la dot. Comptez-y. Adieu, adieu. Embrassez votre maman pour moi. Vrai, vous ne voulez pas que je vous reconduise, amiral? Vous allez fondre, je vous préviens. Viens-tu, Sabine? Il doit être 1 heure, indu. Elles traversèrent le trottoir dans une envolée de pelisses et de mantilles. Bonne nuit, ma chérie, dit la baronne, qui montait en voiture, avec un joli merci des yeux, à son amant qui l'aidait. Bonne nuit, répliqua la duchesse. Elle la baisa au front par la portière. Couvre-toi bien. Et Rancherolles, qui s'en allait à pied avec l'amiral, se haussa pour lui jeter dans l'oreille. Hein? Elle est roide. Les voilà qui se bécotent à présent. Qu'est-ce qu'il chantait donc alors cet idiot de journal?